Chapitre 64. Le mérite de l'homme riche est reconnaissant, celui qui gagne et dépense légalement son argent. Allah Ta'ala dit: celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Sourate 92, versets 5 à 7. Alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Sourate 92, versets 17 à 21. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. Mais c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret et les donnez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Sourate 2, verset 271. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Sourate 3, verset 92. Les versets montrant le mérite de dépenser son argent dans les bonnes œuvres sont nombreux et bien connus. 571. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est permis d'envier que deux catégories d'hommes. Celui à qui Allah a donné des biens et à qui il a permis de les dépenser dans les voies du bien, et celui à qui Allah a accordé une sagesse par laquelle il juge et qu'il enseigne aux autres. Al-Bukhari et Muslim. 572. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est permis d'envier que deux catégories d'hommes. Celui à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui l'applique nuit et jour. Et celui à qui Allah a accordé des biens, qu'il dépense pour faire le bien nuit et jour. Al-Bukhari et Muslim. 573. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que les pauvres parmi les émigrés, muhajirin, vinrent trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en lui disant: les riches ont accaparé les places honorables auprès d'Allah et le bonheur éternel. Comment cela? Demanda-t-il. Ils répondirent: ils accomplissent la salat et jeûnent comme nous, mais en plus, ils font l'aumône et affranchissent les esclaves alors que nous ne pouvons pas le faire. Il dit, alayhi salatu wassalam: voulez-vous que je vous enseigne ce qui vous permettra d'atteindre le niveau de ceux qui vous ont précédé et de devancer ceux qui vous succéderont, si bien que personne ne pourra vous dépasser si ce n'est celui qui agit comme vous? Ils dirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit: vous n'avez qu'à glorifier Allah, dire Subhanallah 33 fois. Puis le louer, dire Alhamdulillah 33 fois. Et déclarer sa grandeur, dire Allahu Akbar 33 fois, après chaque salat. Mais ils revinrent par la suite et dirent: nos frères les riches ont appris ce que nous faisions et font comme nous. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version.